Il point com. Naï Mati depuis Congo Central à Louvre. Pour la Naï Brett, je vous appelle depuis le Brésil. Les gens ne savent pas. Ma décision, la police est à Olaj Bazui. Ils ont ma décision, il y a bien. Il faut battre en action, puis il faut passer à suivre. Au cours de la pharmacie, il faut exalter, plafond exalter, et puis chaleur, mieux sur la mouille. Naï Moko pharmacie, il y a tout. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Losako Mbote, bonjour Moi Jambo, voilà, on appelle ça Bino Mbote, Bino Nyoso Bandeko Balandi, ya Top Congo, Toza, na Tango, ya Parlons-en, Manakana Bino, oui, Lelo, Parlons-en, Parlons Histoire, Boyebi, Bozoana Mbote, ya équipe Mobimba, ya Parlons-en. Tozana Alain Bungu, Pascal Pécris Bivula Nangamboya, technique réalisation Miguel Mena, coordination Thierry Kamboudi Kafuti Bozolanda Bisope Nanzela Bilili Nalisalisi ya Dani Zayobi Patrick Mungongo Didi Binsika Teo Lusakwe no parlons-en parlons histoire na rappelé bino oui eza mardi Boyebi avril 2023, oui, moi, Oyo, Tozana, nous, avril 2023. Avril 2023, écoute, Kala, na histoire, ya RDC. Date moko, écoute, na calendrier, ya jour, ya ba jour férié, hein, ya mboka na biso, eza date, ya 6 avril. Le 6 avril, soyez bo compté, eza soki non en 6e jour, ya année, selon calendrier grégorien, o tosali la kamingi. Hein, non, en 6e jour, il y a année, 6 avril. 6 avril, Eza donc, na RDC, Boyebi Yango, et c'était pour la première fois depuis l'indépendance Yambo Kanabiso, 6 avril, Tozo célébré, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Est-ce que Toyebi, histoire naïe? Est-ce que Toyebi, histoire? Combat, il y a Simon Kimbangu. Est-ce que Toyebi, oui, on célèbre cette journée. Il y a combat, il y a Simon Kimbangu, na journée à conscience africaine, 6 avril, etikali na histoire, et kozala célébrer chaque année. Bandeko Balandi, parlons-en, lelo, parlons histoire. Invité Nabiso, as a chercheur en histoire, Thomas Louaka, Losenjola, na pesa Mbote. Bonjour et bienvenue. Mbote mingi ndeko Roger Kalala. Voilà. Ndenge na lobi, 6 avril déjà, et komi masolo ya Simon Kimbangu na ebite lelo histoire ya Simon Kimbangu. Lelo moni ndenge mboka na biso et komi ke décision ezwamaki le 6 avril et koma journée fériée pona ko honorer ko commémorer bitumba ya Simon Kimbangu na conscience africaine. Tokanisa ki kozala malamu mingi, tomekana nuko explike bana mboka, Simon Kimbangu ye azalaki nani. Tobandaga koye balbi, na ebite soye to uluka koye balbi, nani ya upesye kombo ya Simon Kimbangu, angwe uti wapi lisusu na ebite. Okay. Simon Kimbangu, moto, afin toloba, RDC, pays ya Lumumba, pays ya Simon Kimbangu. Tout à fait. Foto ye ba ye malamu. Merci Mingindeko. Mais avant d'encore tenir dans les solos à l'élo, juste na beaucoup c'est kaka. Oui. Bande Komingi bazako bengangai koko melangai. Pour na ko tout na position, ma réponse na biso ezalini ni na déclaration ya président à Rwanda. Paul Kagame ou ya lobaki ke likambutoza nango entre biso na Rwanda c'est que ba Belge tango baye bazwaki eteni ya mabele ya Rwanda. Oyo, ba pesa ki na Kongo. Pesa ba histoire ya relation a biso na exactement, to si to répondre ango, mais na koyebisa ba ndeko baza la kimia, to uza ko prepare pe réponse. Moi malamu, o to ko pesa na président ya Rwanda, mais na beaucoup se na koyebisa ka bana mboka, situation ezali boye. Na 1910, accord ezali toza na ba kopi ango, accord ezali o ba belge ba signé na ba allemand. Ba allemand de ba bande ko coloniser Rwanda na Burundi. Na Tanganyika we koma Tanzanie. Donc Rwanda Burundi ezaki ba kolonia ba Allemand, Congo Belge ezaki ba Belge. Donc na 1910 ba Belge na ba Allemand ba signé ba accord pona ko modifier ba frontière na biso ya Est yango wana a partir ya 1910 une grande partie ya territoire o lelo ba bengi Rwanda ezalaka Congo, Congo e perdre. Na pesa exemple ville ya Gisenyi na ville ya Changungu nde ekomi na Rwanda. Donc président Rwanda ayebaka soki tokoti na makambo ya kosenga na banyongo ba territoire Rwanda mutaza ko devoir biso ba territoire et non le contraire. Congo aza ko devoir Rwanda territoire. Donc atumbola esika akotumbola. Et comme mabiso musika et comme mabiso musika parce que biso ba preuve ezali ba carte pe ezali mais de toutes les façons to yebaka ke na 1964 organisation de l'Union africaine ou comme Union africaine lelo bazwa ki principe moko pona ko éviter bitumba ezala entre biso ba pays africains après indépendance principe yango elobi boye c'est le principe nakobongola lingala l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et la kisinini tokoki kobongola lisusu te ba frontières ba mindele ba tikela kibiso parce que soki tobandi koloba makamba ba frontières et comme mabiso na mobulu biso tokosenga une partie ya Congo Brazzaville ezonga epa na biso ba Camerounais ba kosenga une partie ya Congo Brazzaville Congo Brazzaville akosenga une partie ya Gabon omonika ka désordre kota yangwana na bisika bana mboka bazala kimia tosa ko préparer réponse voilà sikoyo tozongela makambo ya histoire na biso tozana ngolelo histoire ya mboka na biso ya Simon Kimbangu pona to comprendre ngoma lamo il faut to zonga nanu na époque wana to sala nanu mwa contexte na 1881 to site mona ki ango ezali rappel pona bandako balandaka parlonza eza mwa rappel Henri Morton Stanley o azalaki mutu ya musala ya roya ba belge ba bengi Leopold II Henri Morton Stanley a signé na Ngaliema Inti Ngaliema Inti azalaki représentant ya roya Bateke o yavandaka na Congo Brazzaville capitale ya royaume ezalaki banda ko benga ngombe tile lope ba benga onka mbe eza na quelques kilomètres je crois que na à peu près 140 kilomètres ya Brazzaville donc Ngaliema azali awa a signé na Stanley ba accord oyo e autorisé Ngaliema abanda ko créer ba poste do ba station yango na 1881 Stanley a créé poste moko awa na kitambo abengi yango Stanley Pool na 1882 Stanley Pool ekoya kokoma Leopoldville donc na 1882 komi Leopoldville Leopoldville na 1923 ndeko ya kokoma capitale ya Congo et puis na 1966 Leopoldville ekoya kokoma Kinshasa. Donc voilà. Et puis sikoyo problème ba mindele ba kuta inango soki outi na océan parce que tango na ba vient zate. Oui. Outi na océan poko ta na Congo à partir ya banana donc kuna na suka ti na matadi fleuve za navigable. À partir ya matadi okoki ko klisusu koma ta fleuve te et komi ba chute bandiwana. Donc ezali sou navigable te. Et puis à partir à Leopoldville fleuve comme navigable tina Kisangani c'est le plus grand tronçon oyo fleuve ezali na fleuve Congo ezali navigable c'est Kinshasa na Kisangani sikoyo pona ko relier Matadi na Kinshasa baza obligé ba sala balabala yango na Henri Morton na batunaye ba ko sala balabala moko boya 4,50 m de largeur et bandi boma ti na Kinshasa balabala na pona ko permettre ba tubya na babiloko ba benga kango la route de caravane donc route de caravane eza ko relier na bokuse Matadi na Kinshasa siko na tronçon wana na route de caravane ba pasteur pe baye ba eko s'installer entre autres ba missionnaire protestant ba ju ba créer 6 stations 6 missions hein na route de caravane wana. Oui. Mais Mundele Torba Mundele Mindele Mibale Bazui ba créé station moko na Ngombe Lutete Bango bazali ba protestant ya BMS BMS la kisinini Baptist Missionary Society Société Missionnaire Baptiste ba créé na Ngombe Lutete station na bango na baza ba anglais voilà Kombo ya tata wana Thomas Comber na moninga na ye ba bingi Grenfeld. Sikoyo pona kotala BMS wana tosala mwa parenthèse sikoyo pona to comprendre et ba protesta bango ba na bazaba nani. Lelo to kaka ba bengaka SCC. oui. Église du Christ au Congo. Congo. Mm-hmm. Ezali association ya ba communauté ya ba protestants ebele. Lelo ba communauté ya ba protestants o ba sangani na kati ya SCC bazali 64 communautés. Donc l'une de ces communautés o ba bengi yango BMS yango a parti en 1960 et koyako koma CBFC. Mm-hmm. To communauté baptiste du fleuve Congo. Lelo oyo siko na kibukondi ya SCC moni ba communauté ba sanganaka. Siko régulièrement ba ponaka mukondi moko akoma mukondi ya président ya SCC. Na moment to sa koloba pasteur moko ya CBFC oyo izalaki BMS. Pasteur wana ya communauté baptiste yende azali lelo président ya SCC na kombo ya André Bokundoa. Bokundoa donc ya BMS wana oui. Webotami na ngongo lutete na ngombe lutete. Ngombe lutete. Yango ekoya koma CBFC yango lelo communauté wana mut pasteur na bango ndaza président ya SCC. Bokundoa yenani azali professeur na IPC, professeur à théologie atanga na Londres justement parce que bazali ba baptiste anglais. Mais si comme moi explication mouke na oui. Toujours na kati ya SCC président ya Liboso ya SCC à partir indépendance mutu mwindo ya Liboso baba na ko benga secrétaire général mais en fait il faisait fonction il y a président ya SCC kombo na ye monseigneur Chaumba. Chaumba ndio apesa kombo na liste munene oui. Na avenir munene wana oui. Et kozaka président de Liège et comment école Chaumba. Yende mokondi ya Liboso ya ba protestant na Congo mutu mwindo ya Liboso akonza ya église ya ba protestant. Ye azalaki membre ya communauté méthodiste unie au Congo central hein même ce que za ba communauté oui. Bele. Et puis après ye na parti en 1968 ti na 1997 mutu ayeko koma mokondi ya SCC ba bengi pasteur Jean Bokeleale. Bokeleale ye aza originaire ya communauté des disciples du Christ au Congo. Akoma ki président à partir de 1998 tina 2017 azali remplacé na monseigneur Marini Bodo. Monseigneur Marini Bodo ye azali protestant ya communauté évangélique. Et puis à partir de 2017 ti lelo to ti komona yango André Bokundoa mutu azali kokamba église du Christ au Congo. Baza constituer ba communauté moi ebele. Exactement, entre autres boye baka voilà. Armée du salut. Ezali pe l'une des communautés église protestante. Voilà. Sikoto zongi. Donc tolobi ba pasteur anglais wana Thomas Combert na George Greffel ba créer mission na bango ya ba baptiste na ngombo le tete na 1880. Le 1er juillet 1885. L'État indépendant du Congo ezali proclamé na Vivi. Vivi ezali la capitale na biso ya Liboso. Ezali musika mingi te sur la rive droite ya fleuve, musika mingi te na Matadi. Yango nde l'État indépendant du Congo ebotami. Siko tangu l'été ebotami totala mwa organisation ya l'État ndenge ezalaka eko permettre biso to comprendre malamu histoire ya Simon Kimbangu. Tomona ki yango na ba Michel Lekaki, Léopold II, modèle na ye ya kokamba Congo, et pesi pasi mingi na bato ya mokili, po ba Congolais ba souffrir, kokata bango maboko, po na okendo kozula ye ba caoutchouc, donc population ezalaka maltraité, et puis Léopold II, baninga na ye o ba pesa ki ye likambu yango, comme gérant, Congo ba créé yango lokola colonie moko internationale. Gérant nango Léopold II. Tomona ki yango ba principe oyo ba mindele ba ndimi ko créer Congo ezali principe ya liberté du commerce. Mutu nyonso kolinga ke nosala commerce na Congo akoyi kokende. Liberté de navigation sur le fleuve Congo o nyonso lin ko tambla kuna et puis ya donc liberté de commerce, liberté de navigation. Troisième principe que nous avons complété les binômes. Donc voilà comment le Congo est créé. Oui. En 1908, sous la pression de la communauté internationale, pour que Léopold II a nyokoli ba Congolais mingi, a respecté le principe de la Congo. Ah oui, troisième principe, ezali neutralité à Congo. Ce qui est tombé salami, Congo a créé le côté de la moutité. Voilà les trois principes où Mindele Bandimi a créé Congo. En 1908, sous la pression des Américains, des Anglais, des Allemands, Léopold II a été obligé à céder Congo à Belgique. Et ça, c'est une propriété privée. Donc, à céder Congo, Bazub a adopté la charte coloniale le 18 octobre 1998. Et puis, Congo, et quoi, comme Congo belge, et ça, c'est l'État indépendant du Congo, à partir du 15 novembre 1908. Et ça, c'est organisé. Chef de l'État à Congo, Ezali roi ba belge. En 1908, on a tout moni, le chef de l'État du Congo, c'est Léopold II, Ezali roi à Belgique. Oui. Na niveau yami balé, roi Ezali n'est na moi mini gouvernement na yemoko ba bengi yango le conseil colonial. Ezali composé na 14 personnes. 14 conseillers na 14 membres, roi pour na kolaksa quand même que influence na esilité na conseil colonial, roi Ezali ko désigné 8 membres, parlement Ezali ko désigné 6 membres. Assemblée nationale misatu, Sénat misatu. Parlement à Belgique, quand on a besoin d'un parlement. Donc, troisième niveau, il y a organisation, Baptier fonction moko ya ministre des colonies. Donc, ministre des colonies, Azana gouvernement belge, mais il y a tel akaka makambu ya Congo. Premier ministre, ministre ya Liboso, il y a colonie. Azalaka Ouana, à partir de 1908, tant que Congo est comme Congo belge, tina 1918, pendant 10 ans, Kombo naye Gilles Rankin. Gilles Rankin, d'accord, pèse à Kombo naye na quartier Rankin, où koya ko koma lelo Matongé. Et puis, à partir de 1918, tina 1924, donc na période oyo, il y a dossier à Simon Kimbangu, Moutou Azali, ministre des colonies, Babengye, Louis Franck. Nase ya ministre, si kote komi na niveau ya Congo, au moins une organisation, Mutualiboso chef de l'État, oui. conseil colonial, ministre des colonies, et puis na niveau ya Congo, tout ça na gouverneur général de la colonie. Il est avant d'y na capitale, tout mona ki avant ki Tangwana na 1908, capitale est komi na Boma, parce que Boma est komi ki capitale juste une année après. Vivi. Donc, à partir de 1882. Donc, en 1908, gouverneur général Azali, na capitale na biso ya Congo, Eza Boma, Kombo na ye, et jeune Henri. Il est avant du ana de 1916, ti na 1921. Et puis, gouverneur général Moussousou, Yami Balé, na époque, il y a Simon Kimbangu, Kombo na ye, Maurice Auguste Lipens. Lipens de Azalaki gouverneur général de 1921 à 1923. To continue toujours quand en organisation, si quoi au territoire ya Congo, oh le loto bengi Congo, ba belge ba kati yango na bité ni mine, ba créé 4 provinces. Le loto zana 26, oui. Tangwana ezalaka 4 provinces. Province ya Liboso, ba bengi yango la province du Congo Kasai. Province ya Congo Kasai ezana 5 districts. Province yango ezali à peu près le loa ozui Congo central, ozui Kinshasa, ozui Kwango, Kwilu na Grand Kasai ezalaka province moko yango na bandako benga province du Congo Kasai. Ezalaka na 5 districts, district ya Liboso banako benga district du Moyen Congo au district urbain de Léopoldville. O lelo ville à Kinshasa, au Bakisi, ba territoire ya Kimvu, Lambanzangungu, wana nyoso zaka na ville à Kinshasa. Et puis, ozana district ya Bakongo, district ya Kwango, district ya Kasai, na district ya Sankuru. Wana province ya, première province, Congo Kasai. Deuxième province na biso, na époque wana, ozali na province ya Équateur, lelo, le grand Équateur, oui. Au Bakisi, province ya Maïndombe. Maïndombe, à l'époque, est la province de l'Équateur. On a deuxième province. Troisième province, il y a Congo, belge. Ezali ba bengi yango province orientale. Mais province orientale, na sans obiso to ebeli yango te. À l'époque, province orientale, ezali nini. Ezali province, il y a les grands Kivu. C'est-à-dire Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu. Na province orientale, obiso to ebeli. Oui. nyonso wana ezalaki province moko. Donc les grands Kivu et les, la grande orientale nde bandako sala province orientale à l'époque ezalaka province moko. Et puis province ya Suka eza province ya Katanga yango échangé penza mingite à part quelques territoires ya Katanga tango wana ezalaka na Kasai. Et puis si qu'on a à la tête de chaque province tozana biso lelo tozana ba gouverneur de province à l'époque bako benga bango vice-gouverneur général. Donc bazala ki mine tozana quatre provinces bazala ka quatre vice-gouverneur général. Mais vice-gouverneur général wana za ouais za neti gouverneur à province, il faut qu'on différencie un vice-gouverneur général et à colonie. Hein, au moins gouverneur général wana za bon azala ka na vice naye. Donc voilà. Si quoi ba province ezalaka découpé na ba district, na motu ya chaque district ozaka na commissaire de district. Ba district yango pe ba kati yango na ba territoire, na motu ya chaque territoire tozalaka à l'époque banda ko benga administrateur territorial. O lelo biso to ko benga administrateur du territoire. À l'époque on l'appelait administrateur territoire. Ba territoire bande ko bolimbisa naza ko expliquer structure pour to comprendre bien l'isola Simon Kimba. Et puis, tu as presque dans la organisation. Na ebike, si parfois, c'est ennuyeux. Territoire est divisé dans la chefferie. Na mitu ya chaque chefferie, ba belge, ba tiaka, ou ba baneko benga, un chef médaillé. Ba belge, ba pona mekondi, ba tia bango, ba chef médaillé, ou biso benga, ba chef coutumier. Beaucoup, ya ba chef coutumier à l'époque, ezalaka ba belge, nde ba nomaka bango. Et puis, chefferie, yango pe, eza divisé dans ba groupement. Et chaque groupe est un chef de groupement et puis bah groupement est divisé na bah village. Wana est subdivision. Wana organisation. Organisation. Il y a beaucoup d'abisso à cette époque là. Voilà. Si quoi yo le col à tout ça que le balélo makambuya il y a bah croyance. To banana nous peut expliquer bah croyance il y a bah koko nabisso to bah bingyango les croyances bantou. Pour na to comprendre difficulté oyo. Ba missionnaire bazalaki nango ya ko christianiser biso il faut toye baba koko na biso babane ko croire na nini tous les bantu babane ko croire continuer à croire que nzambe azali tout puissant nzambe azali malamu nzambe ye mutu akela biloko nyonso eza na kati ya mokili nzambe wana babenga ka enza komba babenga ka nzambe ya mpungu voilà. Chaque tribu est na kombo babenga kanzambe ona baebi nzambe azali. Mais nzambe ya babantu oya bakoko na biso aza musika. Il est très éloigné nzambe wana okoyiko sola na ete parce que aza tellement musika. Yango wana biso pona kosenga nzambe loko tozali obligé to le kana ba intermédiaire. Des esprits intermédiaires. Ba esprit intermédiaire ango ezali nini. Chez les Bantou, nous croyons qu'il y a les esprits de la nature. Nakati ya mokili ba milimo ezali, ya mabepe ya malamu, mais milimo ezali. Tobenga ka bango bilima na singulier elima. Elima. Elima. Belima ana ya mai azali, ya zamba azali, ya moto azali, ya mai nde mingi babenga ka kombo na ye elima ya mai babenga ka ye monama. Voilà, wana ba croyance ya ba koko na biso. Ya ba koko na biso. En tout cas, to hotel manano wana, to ko zongela yango dans quelques minutes et ozala après ba information. C'est important de revenir sur tout ça, histoire eza moulayi, et il faut vraiment koye ba source ya makambo, place ba croyance et bandi na ndenge Simon Kimbangu aye ko bima. En tout cas, to zongela dans quelques minutes, ça sera juste après les informations. Vivez la meilleure expérience Internet avec la 4G Plus d'Orange. Numéro 1 en couverture et qualité réseau. Top Congo FM recrute. L'action, il faut voir ça suivi. Des journalistes résidant dans les anciennes grandes provinces de l'Équateur, Oriental, Kivu, Bandundu et dans la province du Congo central. Des photographes indépendants partout en RDC disposant de leur propre matériel et capables de fournir contenu au quotidien. Prière d'envoyer vos candidatures à commercial@topcongo.fm avant le 30 avril. Radio de l'information. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Il est 10h. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Bande kobalanzi radio Top Congo FM tokutani biso na bino ya mbozanga mokolo mwa lelo po ya kopesa bino basango lokota la Lingala to pesi bino bote pe to tombi bino bansombo yebulamu Top Congo FM bato bazali se kokoba kwa mingi penza na kati ya tuka ya chopo sima ya bozang boyokani okati ba community mibale mingi penza na ngomba kisangani wa pepai mabota ebele bazali kolala oli banda po ya sika ba imboka bango ba ebite nini sengeli kolikana na mikolo zali koya basenga na mbula matari kozwa mikano ya malunga bokolanda kati ya bakambi ya mangomba kwa butumbo wa mie ngomba kisangani na ituka ya chupo uba sango babiso Top Congo FM esengeli mikano ya makasi mikuwa kuzwa mapo ya kutali sapolele nini ekolo Rwanda ezalina ya ngoma kanisi po ya kuluka kuzangi sakimu kati ya ekolo Kongo Demokratiki wanezali mbela ya bayi ekolo RDC po ya mukambi ya suwete sivili ya ekolo RDC po ya yatali siete sengeli likitali kusale malubi loko yo kati ya ngomba goma kutali sapolele etinda ya EAC ezali nini okati ya ekolo Kongo Demokratiki Ça roule beaucoup, c'est Yangomei. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Myriam Boketchou. Mbote na bino banso, tofungula sangwe makamatali mingi penza, maloba ya mokambi ya ekolo Rwanda, yo ya loba kiete ndambo ya mabile ya ekolo Rwanda, ezali ukati ya mabile, ezali ukati ya ekolo Kongo Demokratiki, maloba masepele si solo soki mokete, baiso ete sivili ya sika ekolo RDC po ya mokambi na yango Jonas Chombela, ya talisi ete likitalilene, ezali kosale masika ukati ya ngoma kuzikincha sapo ya kopesa makanisi, pe mbula matari ya Kuler DC single kubeta sete makasi penza na matumboli ya mukambi ekolo Rwanda poi ya Jonas Chombela atali sete likitali liko sale malobi loko ya okati ya ngomba goma na ituka ya Nord Kivu ya kukambi mana Jean-Pierre Bemba vice premier ministre ministre atali mambi ya bubundi ya kati ya Kuler DC e single kutali sapole li nini EAC ezali kosala au kati ya ekolo RDC bongo soki etinda yango etalisami na pole d'été bango basengeli kobima po ete bango bazali na makanisi ya kopesa nzela na batomboki koyingela okati ya mabele ya ekolo RDC Jonas Chombela tobanzi na bai société civile au tolobi boye toza na likita munene ebengami lelo mpona koanalize likambo oyo oyo bino boza kobenga président ya Rwanda oyo sika tokomi kobenga déstabilisateur ya sous-région ya Afrique centrale kombo na ye ezalaka Paul Kagame biso ata maître moko te kozwa par contre Rwanda nde azali na mabele na biso mosusu fotozwa ngo yango wani tozobanza ete ata na ndoto ekokoyela biso te ata na bakoshimare na biso ekokoyela biso te po ete Rwanda akokoko revandike ata 1 meter ata centimetre moko ya Congo akokozwa ngo te sikawa tozali kobanza ete Rwanda ekokoma 27e province ya mboka na biso tokocha stratégie en place mpona komobilize population ya mboka na biso kozala simama mpinga na mboka na biso po ete tokoko sauvegarde mboka na biso tosengi mpe baforce est-africaine ezali na mboka na biso etambola ezoka biseka eutaki litomba moko eza kati na mboka na biso te na komona lolenge Uganda azali kotergiverse na bamosusu basili koya bakomi bakompagnon ya baterroriste ya M24 na terroriste mosusu oyo babengi Paul Kagame tobanzi baza na réunion lobby na ministre ya défense bazali koloba mpona koclarifie polele polele clairement toyeba bayawa mpona kokombate terroriste M23 to bayawa mpona kosunga Rwanda po akokozwa mabele na biso wana tozela yano na gouvernement mboka na biso lobby nde tozezelango soki emonani te biso tokokoya na babalabala soki bakoboma biso na communauté internationale oyo ezali na mboka na biso 17 ans eloko moko ezwani te bayaka mpona koinfiltre kati na mboka na biso bazali na posa ya kozwa mabele na biso tozali kozela ya lobby na gouvernement ya Congo na ba kukuta na bango ko batali kuna na Goma. Oti kwanda wana Jonas Chombela mukambi ya société civile ya sika ekolo Congo démocratique. Nalipoke kotela basango ite masomo zali kosalema pe kime zali malamu te okati ya engumba kisangani watu zomi na kati ituka ya chopu wa pepai ba komunote mibale bazali kowelela mingi pe ba kozwa makana kubaku pe na sio wana tuzwami na komune ya Lubunga wa pepai na katikati penza ya engumba kisangani bongo po ya sika bazali kotalisa ite ngambo isusu watu motoba ngambo isusu watu sambu basili bawe po ya Fontaine Mangala zali bongo mukambi ya Lingomba po ya Butombwami ya ituka ya chopu mingi penza ya engumba kisangani atali siete bele ya ba kozwa makakuna bazali kukima bisika ya bango ya kofanda pe bakambi ya ekole RDC bazali kosala penza ya makasi tepo ya kusuki sabo benda ni boye na yango bazali kosenga na mbula mata ya ekole RDC pe ya ituka ya chopo kosala manso po ya kuzungisa kime pe kozwa biyano ya makasi po ya kupikisa ete bubuma ya babatubu kwa kusale mate okati yungu bakisangani tuyo kai situasyo wana ezo lekana na vila kisangani tope na rive gauche ezo mingi na rive gauche esika conflit conflit entre les communautés et monani entre les communautés bazowe la mabele alors et conflit ezala qui bien géré parce que ce qui bakondi ya ville dope ya province ba jira kango malamu ebokaki kokoma na niveau wana te eza communauté mibale oyo ezowela mabele wana bilan eza autour ya 6 morts oyo nga nayebi eza autour ya 6 morts sikoyo oyo tozosenga eza gestion ya conflit wana il faut bakondi ya province ba landela likambo wana ba fandisa notabilité ya ba communauté wana mibale ba solola na bango pour ba trouver solution oyo et quoi apaiser ba kanyo so mibale. Alors en plus de ça, il faut l'État et zwa ba responsabilité nango. L'État oza kokamba mabele, eza kokamba pe bato et zwa ba responsabilité nango. Eko kakuzongi sa mutu na esika na ye pour éviter prochaine l'État a le pouvoir de contraindre. Tolo bela sema kwa matari buzangi bukengi kasi po ya mbalaye, tokulo bela mingi penza makabu manso, mamezali kusale ba mingi penza ukati ya Khartoum wa pepai, ba imboka bango ba ebite nini, basengeli kusale ma mingi penza, ba ye ikolo Kongo Demokratiki wa kufanda kakuna sangwe pesemi na mamiki tinga mwako kati ya ba ye ikolo RDC po ya atali siete, koko suwe zalipa mbate kino sikawa, ikolo RDC tikalite, kopesa maboko tupeli sungi na ba ye ikolo RDC wa kufanda kana Sudan, tulanda lita Toza na Khartoum na Soudan, banda samedi, masasi banda ki kobeta. Ba konzimi bale bazo bunda. Mwana taka bakumbo na bangwe za tepo na imeble na ngana zana se ba soda baze bele. Soki ba wakika ka mouvement ba bandi kobeta masasi. Problem mi toza nango awa, biso ba yemboka ya Congo, ambasade zalaka awa ezakaka na bato misato wa pamba. Ba Soudanais mibale na diplomate moko azapete sur place. Donc, ce qui fait que soki balobi lelo babanda kobimisa bato ya mboka na bango biso tokosuka wapi? Nani akosunga biso? Yango tosengi na bino vraiment. Papa Félix, sunga biso ata salata structure moko ya ambasade normal. Oyo ambasade azali chargé d'affaires azali secrétaire azali kobiso ba okamwa ba vite zui ba biloko awa toboite toza ba congolais toza na ba passeport congolais soki sikwe indi tokosuka wapi torikende wapi tokokangama na banani et pourtant toza na ba passeport na biso ya ba congolais donc papa Félix tala na nwata likambu ya structure ya ambassade awa o toza na ba paye bazo sala na ambassade na biso baloba kaka rap eloko ezoboma biso ya ngwana siko mukolo mboka zate bakangi na bango ezo lekate. Motuna na mbala moko, bayi mboka babeleli na bayi bazwa kamikano. Mikolo miso, moko na bayoka kotuna motuna na bayi bazali na biyano. 085 210 11 11. Motuna na mbala moko lolenge na bino ya sika ya koyeba bansango. Chantal Kamanya, komina lemba, tarte lubulu. Kesa na papa panse peni. Papa, na papa Adolfo muzito lobake, peki aninyazo na la muka, ifale ako mamukana lobake, bakosa kieke, bakopesa epos, leba pesete. Tiangwa na linayeba, eske, ayem saka yoke, babenye na inyo sakre po, bapesa epos, peki esayamike, papa Moïse pe asenike, azonga na la muka. La muka pe akosenga yeke, ako mape mukanda, po alobake, bakosa ye na inyo sakre. Président Adolphe Mozito a mis longoli na la muka yemei. A komaki mokanda pa atye mokoloto na ye a tindeli coordonnateur la muka le 22 décembre 2022 alobi na mi longoli na président ma la muka. Sikawa soki ye alingi a zonga na la muka tolobete sengeli a komela coordonnateur ya sika ya la muka professeur d'université Mathieu Kalele pwete ye a expliquer tina nina ngazonga si nanda kupamba te ye mogo mutami longoli webeta zaki allié politique important mais malheureusement, bakosi bango et pas ya Félix Tshisekedi, bakiko négocier ministère ya finance, ba négocier ba ministère mususu, kasi tango bemba na kamere ba ye na makambo yowana, Félix a changé maloba na ye. Pelève peuple ye biango, to ye biango, bango mo pe ba ye biango. D'ailleurs, tango président Mozito akomaki mokande tami longoli ye moko na présidium, o ba bengi retrait volontaire selo chat na biso. Et à l'époque, il y a une amitié en harmonie na conscience. Na ye. Pambate, conscience bande ko tungisa ye. Yo lobe to yina la muka, kasi wali ko negosye na Félix Tshisekedi pona nini. Yango akomaki mokanda, ami longola na presidium ya la muka. Lulenge mope batu ya miso mine iba yebi, lulenge nini ndeko secrétaire général nouvelle la, abandon ke na maison civile ya Félix Tshisekedi pona ko negosye poste. Prince Pengozali, président de Congo, et Mokaba Lobeli à la Mouka, Moïse Katumbi Pesoki à Lingi, à la Mouka, et Sengeli Pia comme la Bino. Motonyoso oyalo ami longola ki yemei na lamuka te akokota na union sacré c'est-à-dire kazasi su mambo ya lamuka te ami longoli yemoko dès le moment où ndeko Moïse akenda ki union sacré a renoncé na appartenance na na lamuka pamba te aponi ba principe mususu motuna na mbala moko bayimbo ka babeleli na bayebazwa ka mikano mikolo miso moko ya bayoka kotuna motuna na bayebazali na biyano 085 210 11 11 motuna na mbala moko lolenge na bino ya sika ya koyeba bansango. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ndeko balandizo suki si asango lokota la lingala po ya yambazanga mokolo malilo na sunga makina Chris Vivulo zela ya masini na zela ya YouTube na sunga makina Patrick Mungongo Daniza yobi pete ofile Lusa kwino bino ba yabonso mwazima yiko randa bisho na boke bide tokute na ongo azumi na mokopo basango na mokuse na tiki mno kolanda manaka ya parlonzon elongo na Roger Kalala. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Le plein de streaming, le plein de fun. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Yoka Lokitoyo Torobetane li solo ya 19 ans ya Top Congo 88.4 la fréquence utile. Oh kotika la kaka na ignorance makamwa mazali komona nae boba tembele kayo ngai pe nazalaka lokola yo tsoka nazalaka ne mopaye lelo mayele mangai mafuami Christian Lusakweno moka kosoke neliboso nzela ezali naino molai ye disneva emula zomi na libwa ekoki Top Congo ya solo ozali la fréquence est utile Top Congo e radio ya ma génération nyonso bondi melangai Akanga masolo mokili mobimba kaka Top Congo e Disneva e tosepela e Disneva e tobina e Oyo suka ya masolo pelikanisi ya mwana mboka Eric Ambago, Dominique Dinanga, Marcel Kitambala, Chéri Kambundi na Roger Kalala, Boye Bisabango, Boye Bisabango e Batika, Batika ne Batembe, Obiso Totomboli déjà Bendele, Bendele ya Lokumwe, 19 ya Top Kote, Ophile Lusakweno, Mama Elisabeth Lusakweno, Paul Lusakweno, Osepela. Bakoti Kalaka Kabongo, Biso Tozali Seko Kende, Dina 2009 Tala bango bafandi pembeni ya moto bazali koyetola e Na mopandi Top Congo ezali kobeta e Sylvie Meya, Miriam Iraki na Cecil Ngomba e Nzela ezali naino molai e Remy Mulingati Disneva e Mbula zomi na libwa e koki John Konde na Jacques Ntinga boka bali solo e Top Congo e radio ya ma génération nyonso bondi melangai Krasi lema oyoka e Top Congo e ningisi mokili Disneva e tosepela Ose manzanza yokangai Oyo suka ya masolo Pelikanisi ya mwana mboka Cyril Milandu Bero Matanda Merveille Mokelo Top Congo e radio ya ngai ayo ya ye ya biso baso Didi Binseka tukukende na bango likolo Obiso totomboli deja bendele, bendele ya lokumwe Disneva ya Top Congo Toebisa ki chef de l'état ati na mutu na zandu asomba kama radio amuke Asomba ki deja Nanda kwa ba politisien tokotaka Nanzela, namituka, bisika nyoso Top Congo, toujours na tan Disneva o ya Top Congo, iye mama ye Bango nyoso bako mesana, iye mama ye 88.4 fréquence oyo ikaka masolo Oza la première chaîne d'information na katango 88.4 la fréquence utile Disneva oya toko mo Oye manichela oyo kaza ye Isabel Mwengo 88.4 fréquence oyo ikaka masolo Oza la première chaîne d'information na katango Eric Koki Yoka Atakutu mwana ya moke Akoki kobosa na ngote Basango nyoso ele kaka na mboka Tolanda ka epa inayo Bana Kongo bafuli ya lupemba Mukene mosika e Christian Lusakweno Mwana ya Dr. Lusakweno Disneva oya Top Congo Pascal Kapalai Bango nyoso bako mesana Dieu merci Lusakumunu DJ Cornest Oza la première chaîne d'information na katango Yebana kikaka na Kinshasa Bina tinga tinga na yango Ikomi na ba province ebele Awa na RDC Na mokili mobima Makomi kolanda Top Congo Kasi esilite Innovation se mokolo na mokolo e Tina YouTube Bilili bizali komona na e Disneva oya Top Congo Dani Zayobi Miguel Mena Chassi Mabou Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Au quotidien, on parlait avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Je vous appelle depuis le Brésil. Ma décision, la police est au large basé. décision moko ya bien faut battre en action puis faut ça suivre beaucoup ta pharmacie égalité plafond égalité que chaleur mieux sur moi naïe moko pharmacie ya tout. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Voilà, Tozengeli pour la suite, il y a parlons-en, parlons histoire, il y a Simon Kimbangu. Et oui, dans la première partie, on a posé les bases, hein, Poboyeba, c'était les années fin 1800, début 1900, et justement, il fallait comprendre l'organisation politique, et ça, qui en a, il y a Mboka, et le début, il y a croyance, contact, Nabiso, Naba, premier missionnaire au Bayaki. Ndekotoma Luaka, croyance, Yababantu, et puis division, organisation, Dengezaki, Tolobe Lakiango, Naibite, ce qui, moi, rappelle les causes à la poto, les Kambangu, na histoire, Tokoma, justement, na début, Yasimo Kimbangu. Merci, Mingindeko. Juste pour en conseil, ça n'a pas croyance, Tolobi, Bantu, donc, Bako, qu'on a vu sur Bazaï, qu'on y est baké, qu'on dit, Maké, Nzambazali, Nzambazamu Nene, Azabolingo, mais Azamusika. Donc, bah, intermédiaire pour na koko en contact na Nzambana, ils allaient bah, esprit à nature, au babengi, bilima. Bilima, exemple, moko, ilima yama, il babenga kaye monama. Esprit, bah, intermédiaire, ami, balope, bakoui, ko sungayo, pour Nzambasali sayo, ils allaient esprit à bakoko, bato, bakoufa, bah, parce que pas nabiso, bakoko nabiso, bah, ndeko nimate ke, liwe zali nini, liwe zali kaka mutu, alongwe na mokili. Oui, oui, bazo yo kayo malam, te, oui, voilà. Mutu alongwe na mokili yo toza nango aleki na mokili mususu, le monde invisible. Donc comme on dit, les morts ne sont pas morts, eh? Donc bazaka kana biso awa. Donc comme bango shiko bakomi ba esprit bazali na possibilité ana kosenga faveur e pa Nzambe, yango bakoko na biso ba ndeko invoquer milimo ya bakoko bakufa pona basunga bango. Donc voilà conception na biso ezalaki. Et puis na ba ancien bato age pousa di bazaki pe na possibilité ya kokota en contact na ba esprit. Justice, biso to bandeko croire ba koko na biso ndako obabenga ka justice immanente. Immanente la kisi nini? Mabenyo se futa makawa na se. Et pas babantu, ça c'est une croyance fondamentale. Oui, to lo bakango to yemba kango. Et voilà, mabenyo se futa makawa, c'est-à-dire que mokili zali na équilibre. Acte nyon se mabe, action nyon se mabe yoko sala au déséquilibré mokili. Mokili ko sala nyon so, babenga en cosmos. Cosmos ko sala nyon so, e zongi se la o mabe na yo pona et rétablir l'équilibre. Yango monaka soko beteli congolais li solo olobi ke accident moke salami na nzela ba Congo batu bakufi bakatani mitu congolais ko yebisa oh mutu wana peut-être akoye ko kufa liwa somo ndengo na tese ka sala ke peut-être loko ide wana ya cosmos ya équilibre eza toujours na ba croyance na biso. Donc sikoyo ba premier missionnaire chrétien tangu baye bazana ba difficulté ya ko convaincre ba koko na biso na ba vérité o bango baye nango. Par exemple, ba Congolais, baza na difficulté ya croire que Nzambe azali na kati ya batumi sato, la Sainte Trinité, Dieu en trois personnes. Bango, omoni ba yebi Nzambe na bango azamu nene azamu sika, koma ko yiko zana kati ya batumi sato. Ça, c'est une quelque chose, baza yike nango na difficulté ya kondima yango. Tango baza ko yebi sa bango, Jésus-Christ azali mwana ya Nzambe. Ba Congolais, ba koko na biso en tout cas, ba zana difficulté à croire que Nzambe ko yiko bota mwana. Et puis, ba missionnaire, ba yebisi bango ke Yesu asala ki ba miracle, a changea ki mai na vino, a tambola ki likolo ya mai, et puis, a sekwisa ki ba wei. Ba Congolais, ba zana difficulté par rapport à ma croyance na bango toya koloba, ba wei, et pa na biso, résurrection ko yiko zalate, parce que ba tu ba koufa kate. Alors que chez les chrétiens, la résurrection se justifie parce que mutu oya kufa a zongi na bomoi. Vous comprenez? Donc, baza la difficulté à comprendre que Yesu a sekwisa ba wei. Abi c'est pas impossible parce qu'il y a des bango ba voyager ba kaka na mokili mususu. Donc, et puis ba pasteur ba pasteur Amindele baza ko expliquer que Yesu ba kanga ki ye, ba maltraita ki ye, et puis ba bagi na kuruza. Donc, il est ressuscité, il est monté au ciel, il viendra juger les vivants et les morts. Hein, jugement dernier. Oui. Donc, ces principes, pour la doctrine, il y a des difficultés à convaincre. Tout le monde qui est pasteur anglais, comme on a dit Thomas Combert, oui. Oyo a créé qui monsieur Ngombe le tête. Si koyo actuel est territoire en Banzangungu. Mukolo moko révérend na Combert aye akosala tournée évangélique naye. Et puis a komi na village moko eza musika mingi tena monsieur Ngombe le tête, village ya mbabenga ngukamba. Thomas Combert tango komi wana ezala ki mukola wenze. Batu nyonso na marché tango ba Monica kamundele wana ba kimi ba palangani. Kaka mama moko mutu a bougeté. Mundelo na eko tuna ye. Alobi me mama mbote. Pona nini batu wake? Bino ba kimi yo paske ba mindele lokola yo. Bako maltrete biso mingi. Yangona ba ndeko. Nangasho ba Monica mundele ba kimaka. Alobi te ngayi na eko anonse bonne nouvelle ya Yesu Christu. Naza pasteur nako evangelize. Abi yo kimi te pona abi. Anako kima nini? Nazana eloko wakima te. Yangona pasteur wana Thomas Combert. Aebisi mama wana kombo na ye kinzembo, aebisi ye lokolo okimi liloba nzambe te, nzambe akupambo na yo. Epi, Thomas Combert azui azongi na Ngombe le tete. Kelke mwa apre sangwe yeke, Thomas Combert wana oyo aforma, akreaki poste wana ya Mission Baptiste ya Ngombe le tete, bayo kike azongi na poto mundele mususwa ye. Mundele wana kombo na ye, Roland, Ronald Cameron. Mais entre départ ya Combert na arrivé ya Cameron. Kinzembo a bongola ki déjà mutema Kinzembo a komi chrétienne. Bon na kamba basa kotala ye moi bizarrement. Et en etika ka lelo ndeko na yo aye ko ebisa oké ngana ko osambela na maikari. O monika ka donc batu a mona ka l'église ndenge ni na suspect bien l'église ba japonais. Donc c'est un peu ça. Kinzembo bako tala ye bizarre po akomi mo Christ. Siko mukolo moko na kati ba tourné na ye. Pasteur wana ya anglais ya sika, Cameron. Cameron na kati ya tourné na ye akomi na kamba, asengi bala kisaenda kuya Kinzembo, mama wana ya chrétienne. Probablement, Combert, oya zonga ki, abetela ki lisolo ya Kinzembo. Amoni akomi pa Kinzembo, Cameron ayebisi mama Kinzembo lobita la ngonga ere pusani mwana zonga ngomelo tete siku ezate nazana besoin ko lala awa soko boko ko trouver nga mwa ndako sikana ko lala Kinzembo lobi papa pasteur premier ezate natike lo ndako nanga nake ko lala e pa bandeko Cameron alali na ndako Kinzembo lobi na tongo tango linga kende asengi Kinzembo alobi nazonga na mwa mukesi oui. Mercredi 12 septembre 1887. Mercredi 12 septembre 1887. Sœur ya Kinzembo, oyo to komona oyo. Sœur ya Kinzembo a boti mwana. Apesie sœur ya Kinzembo kombo na ye Louise Wamfwemina. Wamfwemina a boti mwana, apesi mwana mbali na date wana 12 septembre 87, apesie kombo ya Kimbangu. Mubali ya Wamfwemina kombo na ye Kuyela. Mais couple wana eza bandimité ba za pagano. D'ailleurs Kuyela tata ya ya Kimbangu ya mwana na Kimbangu aza nganga kisi. Aza féticheur. Nganga kisi c'est-à-dire a soigner kabatu, a bundisa ka contre ba effet bandoki ba attaquer yo oké ko mona ye a ko protéger yo. Donc voilà, il n'était pas chrétien les deux, ni Louise ni Kuyela bazala ba chrétien te Kinzembo na kolo ba mama kulutu. Il y a Simon Kimbangu, qui est chrétienne. Voilà. Si koyo quelques mois après naissance ya Kimbangu, maman naye akufi, Louise akufi. Louise akufi. Kinzembo a récupéré mwana ya sœur naye abandiko bokolaye. Abandiko bokolaye, si ko yango wana Kinzembo ya zwa ki mate ya ba missionnaire. Exactement, ouais, comme chrétienne. Voilà comment Simon Kimbangu azali élevé na maman azali chrétienne. Yango wana si koyo Cameron tango mukolo wana ye. Alobi nakola la wabo pesa bapesi endaku lobi nango ava akende asengi Kinzembo lobi na moni garso uzalaka wana tozana 1894 Kimbangu azana 7 ans Cameron pasteur anglais wana asengi Kinzembo abia eske okoiko pesa nga mwana nayo oyo nakende abanda kuvanda na ngai na mission na école ya mission hein les pasteurs récupérer bana na ba village boye baande ko éduquer bango na ba mission ya Ngombe le tete Kinzembo aboyi aboyi pona nena bino tata na ye kuyela mm-hmm. azalia watena kozwa decision ko pesa mwana ya mutute sans accord ya tata, tata na ye tata na azalite mm-hmm. voilà pourquoi c'est moi kimbangu akendeki na ngombe lutete mukolo wana ba moi eleki to komi sikoyo le 17 mai 1800 mm-hmm. non quelques mois après visite wana Cameroun mukolo musoso kinzembo afandika kaboye ata la pasteur na mundele aye en catastrophe azokima aya yambiwa na ye pa kinzembo mama kinzembo ko sele papa ni abi nzoka Cameroun na tourner na ye wana salaka ya okende kotea mm-hmm. akendeki na village moko babenge ngo village Lemba ezaka pembeni ya Kamba ya Kamba na village Lemba wana akepe kotea bango lisolo ya Yesu hein mm-hmm. kotea bango Yesu Seigneur et Sauveur, mm. ba villageois na bazui ba bandi ko beta papa na mabanga, ba landiye po ba bomaye. Bon, Cameroun a zaka na habitude ya kotambula na ana, ana nete so benga ke nini na. Na punda kaka. Nete ka punda. Mm. Bon, ana wana. Ana otambula likola ana, ba villageois na balandi ba beti mabanga, moko kuta zaki na munduki ya beti masasi, masasi zui Cameroun te ebumi ana wana. Mm-hmm. Ana koi donke. Cameroun yona ye ayeko senga kinzembo abate la biba zola ndangai kinzembo azui abombie na kati ya ndaku tangu ba village wana ya Lemba bakomi wana mama tusuluka mundele moko moni mundele abite na moni yete ba village wana ya Lemba baseni bazongi donc Cameroun abiki liwa pona kinzembo mm-hmm. et puis tangu batana bake kinzembo azui abimisie a libere po akende me batu ya village ya Kamba oba moni ke kinzembo abombaki mm-hmm. oui Abombaki Cameroun bakomi kochola bi yona noko na bako benga Cameroun mm-hmm. abia komi noko kwa kinzembo mm-hmm. yona makamuno ya beglise na bionana okosuka mabe mm, d'accord. Vivez la meilleure expérience internet avec la 4G plus d'Orange, numéro 1 en couverture et qualité réseau. Donc na village bakomo mona mama kinzembo bakomo salandet ba mo menace na bazo mona suspect mais Cameroun avant akende ako benir kinzembo na mwana na ye kimbangu. Alobi nzambe, ndengo mbiki singa na liwa, nzambe ungana sambelaka. Ya Yesu Kristo, ako pambola yo, ako pambola pe mwana oyo. Donc, voilà première benediction. Oyo, simo kimbangu azuna age ya 7 ans, epaya, nini. Et puis, quelque temps après, kinzembo siko ya sali nini, azui decision, tangu siko kimbangu akoli, ako mina age ya okende klasi, et kinzembo azu kimbangu Simon kimbangu atindie na mission ya ngombe lutete akende kotanga Simon kimbangu akekuna bandi kotanga na ngombe lutete abandi koyekola kotanga na kokoma lire écrire na kikongo na bible pona nini depuis 1897 pasteur protestant moko babengi révérend Bentley abongola ki déjà bible na kikongo. Donc Simon Kimbangu va apprendre à lire et écrire sur la Bible en Kikongo. Et puis akomi babenga bango na ba catéchumène hein catéchumène mwana zako yekola makamba religion. Donc catéchumène ma classe ya Simon Kimbangu ekoumela pendant 4 ans. Tangu asilisi na perona tanga zotanga ndeto yeko monango roi de Belge akoya ko cédé Congo hein. Léopold II c'est non en 1908 hein pour avoir situé kaka au Kimbangu a atangi a osala catéchumène na ye après formation na ye et pas ba baptiste hein donc c'est une formation chrétienne et pas ba missionnaire baptiste Simon Kimbangu a komi a zongi na Kamba a komi ko sala bilanga abandi ko sala bilanga ti a zongi na village na wana a eko ça la connaissance na fimoko babengie Marie Mwilo bakuta na Marie Mwilo kia wanga ba balani coutumièrement donc Simon Kimbangu cultivateur abali Marie Mwilo coutumièrement et puis tam babalani rapidement nzamba pamboli bango baboti mwana ya liboso le 12 février na Kamba 12 février 1914 baboti mwana ba pesie kombo Charles Daniel Kisolokele. Le 4 juillet 1915, Simon Kimbangu na mwasi na ye Marie Mwilu bakomi ba baptiser ba ke ko baptiser bango na rivière moko ba benga ngo tombe tombe za musika mingi te na mission baptiste ya ngombe le tete donc bazali baptiser comme ba chrétien ba protestant et mukolo wana kaka tango bazui ba thème na bango nde basali pe mariage religieux na bango donc le 14 juillet le 4 juillet 1915 après mariage na bango après baptême naïe Simon Kimbangu a commis catéchiste y a BMS hein y a ba protestant y a ba baptiste a commis donc catéchiste y a Ngombe y a mission protestante y a Ngombe Lutete na période on attend que Simon Kimbangu a commis protestant et a commis catéchiste à côté y a liloba ya Nzambe à côté y a Bible a koya ko bota les sous yena mari mwilo bana mibale Mwana ya mibale abotami le 25 mai 1916 ba pesi e kombo ya Salomo Dialungana Kiangani. Et puis mwana ya misatu abotami le 22 mars 1918 ba pesi e kombo ya Joseph Diangenda Kuntima. Donc voilà bana ba botami Simon Kimbangu tangu bana ba botami akomi koyoka ba voix akomi koyoka ba voix Yesu Christ azolobelaye message nini Jésus azoyebisaye alobi non Simon Kimbangu yo il faut salela ngai okoma na service na ngai il faut o évangéliser o annoncer évangile et puis ozala témoin na ngai Yesu Christ Simon Kimbangu azo répondre bi non Seigneur o eza monsieur moko munene nazana makasi ya kosala yango te pe natanga mingi te hein naza naza omoni instruction na ye 4 ans ya katekumena natanga mingi te zo ba pasteur basana ngombe lutete bango ba yebi ko labite ngai na ponio et puis Simon Kimbangu o azo ki habitude siko ya kosola na Jésus-Christ ye moko me muto azo tale azo mona kazo sola ye moko na kati anda kusoka koti azana kati ya chambre marimu ila zoka mbali azo sola ye moko Abime mobile na ngai likamu nini uzuli bomo bien nini wote nazo sola na Yesu usola Yesu ndenge nini akomona ngo sispe et puis mukolo mususu na butu Simon Kimbangu azo sola ndenge na yemoko pona biso batu ya misuya oui mutazolo balo ba yemoko mari mwilo abimi na libanda abeleli batu boya boya tang batu ba yebele likamu nini ayoki soni alobake mubai na ngazi ile umwa ko mikolo ba yemoko akosika kalobino batuma uba yake aba menasa kingai batamu na beleli bakimi ti azungi na kati Simon Kimbangu abita naza mubai na yo tovai na bambule bele naza na libomate aloko tiaka duti te makambo yo nga na zolo bela yo mwa sina ebise marimo labi okay soke zande ngwana volontaire nzambe e sala makaka et puis marimo lu asengi mubai na ye pardon Na mois novembre 1920, Simon Kimbangu a décidé à longwa na kamba. À longwa na kamba, aya na Kinshasa. Tango na ba obenga ngo Leopoldville, qui est à l'époque, na 1920, to lobi yango le soso, Kinshasa est la capitale te, Kinshasa est la chef lieu, ya district ya moyen Congo. Oyo Mbanzangungu est la territoire ya Kinshasa. Donc, a décidé à longwa na territoire, a kene na chef lieu, na Kinshasa. Raison nini Simon Kimbangu akena aye Kinshasa. Ba chercheur ba vansaka raison misato. Raison liboso o ba Kimbangu se mtu apesa ka raison oyo. Ba lobi Simon Kimbangu akimikamba pona kokima voix ya Yesu eza kolobela e tout le temps. Donc alobi soki na longo wa na kubandeyo kalisu so voix wana te. Ba tumususu ba lobi non Simon Kimbangu alongwe kamba parce que azalaki mécontent. Na église baptiste na mission baptiste ba nommé pasteur te parce que ça vous a catéchiste oui. grade de ciment pasteur alobi ba ne ko zela ba nommé pasteur te na kanda wana déception na lobi d'ailleurs kutu na kenda nga Kinshasa ça c'est une deuxième explication troisième explication lobi non Simon Kimbangu longa ki kamba tout simplement pour na ko luka musala o ifuta ka moi bien aller sa famille na donc Simon Kimbangu a commis na Kinshasa na makolo hein tangwana mituka mubulu kamba Kinshasa ça fait quand même 195 km 195 km a selongo na je crois 3 jours aye akomia wana Kinshasa pe monika ka tangwana solidarité bampangi olukumwa ndeko aye kukutana ndeko na un frère tribal ressortissant ya village ya Yanda Yanda zakaka pembeni ya Kamba garçon wa Yanda wana avana na Kinshasa simo Kimbangu yes ya yakia asa ya afan Kimbangu ayambi Kimbangu et puis quelques jours après solidarité kaka wana ya Mampangi bazoli simo Kimbangu musala na HCB HCB et la kisi huilerie du Congo belge huilerie du Congo belge yango na lelo pona kolobaka beaucoup c'est yango na lelo kuma Marsavco Marsavco marganerie et savonnerie du Congo Marsavco donc azu musala kuna ya pointer pointer za nini pointer za ko noter ba présence na ba absence ya bato misala ko bon musala ba ndeko pesa ngona muto ya ebi kokoma kokoma voilà lokola ya ye kola ki ye kola ye kokoma Simon Kimbangu akomi pointer akomi wana na HCB akomi ko sala HCB omone sika Marsavco ezali lelo oui mais na nzinga HCB mission protestante moko ya babatiste za pepe mbeni wana exact ezali na lelo na avenue Lukusa en diagonale na premier mall église moko ezala kawana oui voilà église wana ezali ya babatiste oyo Simon Kimbangu auti na Kamba kuna aza baptiste donc Simon Kimbangu azo sala na Marsavco dimanche aka kosambela na église wana ya Lukusa wana donc na miliona aza ko évoluer mais na fungula mwa parenthèse moko awa tozana na 1920 il est probable que Simon Kimbangu tangwa zo sala wana comme pointeur akutana na ebite so baba yebana kibe wapesa na mbote mais il est probable que bakutana ki ils se sont croisés na garçon moko boye auti Sierra Leone Sierra Leone babota mambula moko na Simon Kimbangu 1887 différence kaka ya un mois 1887 wana botami na na Sierra Leone na Freetown Kimbangu botami na Kamba bango mibale baza ba employé ya Marsavco garçon kombo na ye Christopher Addington Moore Moore M 2 O R E Moore azo salana mais comme ya za laki cadre ouest africain batanga mwa mingi azalaki na société pas azalaki na niveau likolo cadre Pona nini toko beta lisolo ya muru wana, oyo il est probable, parce que bazo sala epoque moko na Kimbangu, peut-être ba pesena katambote. Muru wana aena Kinshasa awa na Congo na aja 18 ans, na 1915. Et puis azu musala na ACB, dona Marsavco kuniko sala wana. Muru wana, quelques années après, akoyako bala mwasi ya Congolaise, kombo na ye Louise Muyonge, mama mtete la msonge, Na mwasi wana ya mtete la bakobota bana 10. Sierra Leone wana, oui. Bakoti bana 10. Siko mwana na bango ya mine, fi na bango ya mine, kombo na ye, ami Angelique Muyonge Mour, ako yako bota mwana moko na 1956, ako pesa ye kombo ya papa na ye, Sierra Leone wana, Mwana wana na 56 abota mina Kisangani babe ababengie Christopher non Christopher est en anglais na français pe Christophe Christophe oui Christophe Antoine Agwepa Mumba oyo akoya koyebana na kombo ya Kofi Olomide donc Christopher Mour koko ya Kofi Olomide wazaki Sierra Leone asala ki période moko na Simon Kimbangu na Marsavco HCB na kangi parenthèse wana to kozonga la mumu kromoso oui donc sikoyo Simon Kimbangu tamba zo sala na HCB na akwa ko vivre makamoso ya ya kamo premier mois na ye asisi premier mois boye akesi ko mukole ya pay ba komi kuna na bureau ya kufuta Simon Kimbangu komi tourna ya koti mundele wa Natalia yona onga Simon Kimbangu mundele ya tali registre abi oyo sani abi ne ko zo salaire nanga Abimbe papa yo ngo sa ganesprit nango bien nini. Abili kam nini. Abino osio zwa ki deja salaire na yo. Na zwa ki salaire onde nini. Mundela la ki se papier. Alko yo signature na yote. Kombo na yote. O kombo nanga. O signature na yote. Simo Kimbangu atali bien boe. A reconnaître signature. Eza signature nanga. Abi papa bima. Kimbangu zwa bimi a comprendre te. Abiti li sole ba kupa kamara na ye. Na oti kuna chef wana lobi na si na zwi deja salaire nanga. Ipotanga na zwi te. Ba tomba mwenye ngo, ba comprende te mister wana. Ba kamarane ba sekotize mwa mwke, ba pesye edepane sanza wana. Deuxième mwa. Afutamite. Deuxième mwa. Simon Kimbangu, akepe na kesi. Ba futa ye, meme scenario se reproduye. Mundela abidi, aussi on voit qu'il déjà, pour ni nous allons goya pour qu'on trouble ngabo. Si mon gambe na zuite, na ya qui abi au Suisse, à la qui c'est les choses. Oh. Donc deuxième mois, Simon qui m'a azui salerte. Azungi abeti les so, ma camarade na abita l'andego. Les so zomona makambo est comme mystique, hein. Zonga kamboka. Ok, nous sommes à conseil à famille. Certainement, ne connaissons pas cela qui est ma bé. Yémoutou, asosaloba mystique. Zonga kuna boko no sala boyo kana bo arranger comme les kamba kindokyo yo ya famille na bino. Simo kimbangwa yoki avandi. Troisième mois. Troisième mois sikoyo mundele wana agent payeur. Oui. Alobi no nazo ba disposition. Touroyo muto ali boso na kufuta Simo kimbangwa. A bengi Simo kimbangwa. Simo kimbangwa koti afutiye asinye. Côté pe ya Simo kimbangu na ba camarade na ba zupe ba disposition. Il faut le lot comprendre. Oui. Makamoni zolé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ma camarade naïe depuis Tongo, ba entouré Simon Kimbam. Si ko ba vendi na salon a bata la mundele a sisi ko futa bata komi ko bima. Simon Kimbam a tout nié. Mais papa, comment que nenga ou futi ngate habita la? Yo, ko saka un esprit nangate. Lelo, on a décidé ki mouta li bosso nan ko futa, ezayo. Na si na futi. Ba camarade na babite. Depuis Tongo, tout cela qui naïe, donc a bougé te. Donc voilà comment pour la troisième fois, Simon Kimbangu a sali troisième mois na Marsafko baza ko futa ite. Azongi na ndaku, akomi na ndaku bo ayoki voya Jésus. Jésus est-ce que ozali bien na musala nayo? Ah Simon Kimbangu ayo comprendre que makambo nyonso za koleka ezali Yesu muto azali ko sala et parce que azako boya ko servir. Simon Kimbangu a décidé akata musala na Marsafko azonga kamba. Lobinango akeko ebisa patron na yalo bi voilà ça fait 3 mois na sala ka wana donc ngana décider na tiki musalango patron ko comprendre que il était quand même de bonne foi il était sincère Simo Kimbangu abimi akeko la ba camarade na bibo ngana zongi hein ba camarade ne bazu ba se cotiser ba lobi o sali quand même 3 mois wa ozozonga maboko vide zo ndamba mbongo yo osombata quelque chose hein pona mwasi na bano tika ikuna Simo Kimbangu a zu décision abandi kuzonga kamba na makolo comme ndenge oui. Yake akomi na kasangulu idemo ko yeli abi mwa mbongo ba kamarade ba pesinga na ko ipe ko bongo lango na sala mwa commerce pour ko mwa ebele commerce nini ide yeli abandi teka ba kwanga Simo Kimbangu asombi quantité ba kwanga na kasangulu azongi na Kinshasa aya ko teka kwanga pona akomi na Kinshasa ba client bazate muta kusomba kwanga zate donc azu abrade ango ateke kana faux prix po bato bazwa azu mbongo naye asomwa biloko mwa wa mike mike entre autres na mbisi ya ukauka mbisi mwa babenga nzombo ele angi seche la oui azu nzombo naye na biloko naye azongi azongi suma kolo po azonga kamba akomi na kasangulu policier moko boya force publique akwe naye kombo naye mfufu mfufu akwe naye a dépouillé biloko nyonso zaki nango nambi sina yona pe azuya botoli donc Simo Kimbangu eloko a continué makoloti a komi na chef lieu ya territoire na ye Mbanzangongo a l'époque ba benga Otisville tango komi na Otisville wana avandi a idemo ko yele aluka musala abibwi nazonga kama boko pamba atawa na Otisville comme ezaka Otisville Mbanzangongo eza a peu près 65 km na kamba abina lokata musala Azu Moussala na Otrako, Office de Transport Coloniaux. Oui, comme elle est là, Onatra. Onatra. Azu Moussala wana, premier jour kaka ya Moussala boye, journée, comme la fin de journée, ba patron na ba benge wala bi Moussala na esili. Et là. Ah. Abia awe comme il kamususu, tika na zonga ka kamba. Voilà comment Simon Kimbangu a décidé azonga na kamba. A reprendre Moussala naye, a keko reprendre Moussala naye ya bilanga, et puis na Moussala ya catéchiste. Ya kote ya, na ba village, ya, nzinga, comme catéchiste, baptiste, protestant. Voilà, Simon Kimbangu. Azongi, nakamba, a keko retrouvé famille naye, mais famille naye, ba yamba ki epenza moi, na moi malini, moi malini. Parce que papa kenda depuis voilà. 3 mois, papa eko zonga, maboko pamba. Bi oké okay, osa misala kuna me ozo ndenge ninyo yo mobali ozongela biso maboko pamba ayi kozonga maboko pamba sikoyo tangu azongi wana tozana kamba wana tozana kamba a reprendre ba activité na ye wana tozana mwa ya janvier 1921 nde azongi na kamba akomi kosala musala na ye wana ya bilanga na kote ya azalai na kamara na ye moko babengi Samuel Mvwala. Samuel Mvwala ye pa azalai katechiste lokola kaka Simon Kimbangu mais ye na village village moko babengi Lulengo. Simon Kimbangu azalai pe na petite ya okina village na Lulengo mpona kotala sœur na ye kombo na ye Marthe Mbonga. Marthe Mbonga azalaki marié na village ya Lulengo et marié na papa moko babengi Kibamana. Donc voilà comment Simon Kimbangu bango mibale na camarade na ye Mvwala Samuel Mvwala baza ba catéchiste ya mission baptiste ya Ngombe Lutete mission na Hermo Bandeko bengango pe Waten. Mois ya février to le bien zongi na kamba na mois ya janvier mois ya février na mois ya mars Simon Kimbangu akosala musala na ye normalement eloko moko eleki ezate. Donc, l'activité n'a pas été faite dans l'évangélisation. Mais, le 6 avril, na Tongo Tongo, Simon Kimbangu a la mouki pour na kende na Wenze. Wenze moko ezalaki na village. Village moko ya pembe nwana. Po akende koteka nini? Akendo teka récolte na ye ya tabac ya tumbaku. Simon Kimbangu mande ko fumer te parce que azalaki baptiste ba fumakate hein. Ba fumakate pona nini parce que référence ezali na Corinthiens 1 Corinthiens 3 16 o elobi boye ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, avec ce qu'on met la cigarette, et ça n'est pas un bon moment, temple en Zambé. Voilà pourquoi ba Baptiste ba fumakate. Donc, Simon Kimbangu, malgré fumakate, a kekpo ateka tumbaku na wenze o ezalaki mokola na village en Tsana. Tango sikoyo, po ake na village en Tsana wana aleki. Na village moko babengi yango Ngombe Kintsuka. Hein, eza na nzela ya village Ntsana. Tango akomi na Ngombe Kintsuka ayoki voix ya Yesu. Jésus ayebisie Simon Kimbangu kende kobikisa mama moko azobela makasi na village oyo ya Ngombe Kintsuka kende kobikisa ye na kombo na ngai. Mama wana kombo na ye Kiantondo. Simon Kimbangu dans un premier temps a hésité voix wana et répéter lisusu que il faut que tous sangai kende. Simon Kimbangu a sali marche arrière, a zongi a tunipe adresse boebi mama moko boe Kiantondo. Ba mama Kiantondo balakisi pe ndako. Simon Kimbangu akuti bandeko ba famille ya Kiantondo na quelques villages bazalaki na moni mutazo bela oui. Maladie grave a komi na suka batu bayaka neti mo ba rassemblement. Tango ba monika Simon Kimbangu bayambi avec beaucoup de respect. De respect pour nanini parce que ça catéchiste ou ça la comme ba tourner hein moni mutu oui. Ayibu kotanga ayibu lo banzambe parce que na période de Simon Kimbangu christianisme bando kota siko malema ayibu ko lendi sa mitema voilà donc bayambi avec beaucoup de respect akoti na kata ndaku akosenga na batu nyonso babima bino nyonso bobima sauf mobali ya Kiantondo na ba proche parents quelques ndeko ba proche Arabi bino bokoki kotika la awa. Tangu batika liwana Simon Kimbangu a se mettre à genoux, asani mwa prière moko mukuse et puis azui loboko ya malade wana alobi boye. Kiantondo, au nom de Jésus de Nazareth, soyez guéri, élevez-vous. Kiantondo, na kombo ya Yesu ya botama ya Nazareti, na sengi na yo otelema pe obika. Mbala moko à la surprise générale Kiantondo mama Kiantondo à la mouki complètement guéri. C'est le 6 avril 1921 mission à Simon Kimbangu ebandi yango na date wana pe l'état zu yango 6 avril c'est le début ya mission ya Simon Kimbangu. Donc tango bandi wana nouvelle wana etamboli na région wana batu babandi koya sikoyo na kamba hein mikolo elandi oui. Bandi koya na kamba na ba malade na ko prier Simon Kimbangu ba foule bandi koya abandi ko te ya batu évangile ya Jésus Christ et puis aza ko sala miracle ako azo guérir azo lendi sa mitema azo évangéliser toujours na kombo ya Jésus Christ. Simon Kimbangu population ba eko surnommé ngunza ngunze la kisi prophète les prophètes. Simon Kimbangu mission na ebandi na kamba na mois avril 1921 azali na 33 ans et demi. Sikoyo na emission ekolanda lelo to ko telema awa na suite emission na biso to kotala ndenge nini communauté baptiste ko ya ko réagir oyo ba tunaye hein ba, ba communauté naye comment la communauté baptiste dont il est membre va réagir. Comment l'administration coloniale est quoi pour réagir? Comment l'église catholique est quoi pour réagir? Combien de temps Simon Kimbangu a continué à prêcher librement? Quelle était la teneur? Teneur, il y a un message. Mate à Simon Kimbangu, c'était quoi? Abane kote ya batu eloko nini? Après début, la mission na il y a 6 avril. Est-ce que Simon Kimbangu a zalaki toujours mon Christ ou bien a changé qui bondimi? Nyon soana tukotala yango na émission ya mardi prochain nzamba batela bino. Voilà mission ya Simon Kimbangu et bandi tala bato ebele ba komo landa bikamu ici zo salema eh makambo eza mwa mingi hein eza histoire moko esengeli koyeba penza to uti mosika to komi na niveau ya mission. Voilà, tu commis à niveau à mission, oui. Peut-être que vous voulez me dire, c'est un passage, c'est très important. Passage, tango Simon Kimbangu, azali ko sala na Marsavko, certains chercheurs disent que na période wana de Simon Kimbangu, azali ki influencé na ba bakolo bangoni, na ba idée ya Marcus Garvey. Marcus Garvey yazali nani? Marcus Garvey azali Marcus Garvey azali c'est un révolutionnaire ou bien missionnaire américain. Oyo un militant américain abotami na Jamaïque akenda na États-Unis pona kolamusa batu mwindu. Pona kolamusa batu mwindu a créé mission moko baza ko benga retour en Afrique, tozonga na Afrique, pour na kokende, ko tolongo na boumbo ba mindele ba tebiso. Donc, Marcus Garvey, ba ide ne wana ba ide révolutionnaire, et koma keti na Congo ao. Est-ce que Simon Kimbangu a été influencé? Balobi probablement yoka kiango, parce que na Marsavko. Na moment où Simon Kimbangu azawana, noir américain moko, azalaka expulsé par ba belge, abande ko sala propagande ya ba idée ya Marcus Garvey. Noir américain wana kombo naye, ezalaka Wilson. Voilà, voilà, ba sango etambolaka justement, surtout sur zo sa société, oyoka yoka makambo ezo utabisika ebele. Pona tribunal moko la jugement, juge Rossini akotuna pe Kimbangu. Ce qui a influencé na baide ya Marcus Garvey, ça c'est juste une parenthèse. Baide ya Marcus Garvey ezalaki nini? Un, ya liboso. La civilisation noire ezali racine ya civilisation occidentale. Batumwindu bazalaki civilisé avant ba mindele. Deux, batumwindu il faut ba buka ba chaîne na bango nyonso, balongo na boumbu po bango bakoma ba guide ya humanité bango ndefo ba Alexandre. Idée ya misatu, Yesu azalaka mutumwindu Marcus Garvey. Jésus-Christ était noir. Aider à souka batu mwindu il faut basa la religion na bango moko oza ko respecter ba tradition na bango. OK, voilà. Bande vos balandi to kutani dans quelques minutes et vous allez juste après flash d'information. Vivez la meilleure expérience internet avec la 4G plus d'Orange, numéro 1 en couverture et qualité réseau. Top. 4. La fréquence utile. Hey! Gros bonheur! Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. M 88.4, la fréquence utile. Top Congo, il est 11h. Le flash d'info avec Myriam Boketchou. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Bandeko balandi o yambozang mokolo modeli sus po basangolo kutala lingana na bokuse to pesi binombo te pe to tumbi binombo yebula Top Congo FM bozang boyo kanyo kati ya ba communauté mibale ezo mingi penza na kati yango ya Kisangani na kati tuka ya chopo yango esali ete bato sambo bako kabunko wapi ebele okati bango bazuki mabuta ebele bakimi bisika ya bango ya kofanda mingi penzo sima bozangi boyokano kati ya bakubaku na basiyo wana tozomi na komi ya Lubanga na katikati penza ya ngomba Lubumbashi po ya baisu ete sivyo ngomba talisi ete bakambi etuka me bazuki likambule na kilote po ya kusilisa yango kasi kokoswe ingali makasi penza na yango singeli mikano ya makasi miko wakusali manatina likambule po kuzungi sa kimia ukati nguwa rumbashine tuka ya chopo. Top Congo FM. Manso masengeli kutali sa manapole lobi loko yao ilikuwa likitali nene liko sangisa ministro ya landi ministro ya mbatali mambi ya bubundi tupi ya defense Jean-Pierre Bemba ilongona bakambi ya mapinga ya babikolo ya EAC beba zomi ukati ya ikolo kongo demokratiki posa ya baimbo kezali kwe ba polele penza mkolo nini ba EAC bako kwe kolongo kati mabile ikolo ya RDC petinda bango ezali nini pamba te bango bazali kolo baete basengeli te kubundi sabato mbokiba M23 pour la société civile ya sika ekole RDC mon occasion se tombe la mokambi na yango atali site soki ba iyo ya si bakubundisa bato mbokiba M23 te esenge na bango kobima okati ya mabile ya ekolo Congo démocratique. Top Congo FM ba ekolo Congo démocratique ba kufanda kana Khartoum wana tozomi na Soudan bango bazali kobika na pasi penza ebele okati ya bango ba ebite nini basengeli kosala pamba te bozangi bokengi yango esili mo kozwa mauto mokolo masuka ya posa moleki osima wapi pa ilokita masasi ezali koyokana bango batalisi ete kino sikawa baimboka bayebi te nini basengeli kosala mingi mpenza okati ya ekolo RDC ba ekolo RDC bakozalaka na kati ya engumba Khartoum wana tozomi na Soudan bango bazali mpenza na bobangi pamba te kino sika mbula matari na pe ntoma to pe ambasade ya ekolo RDC na ekolo mei kino sikawa ya nwe malonge pesa mite nzo kande batukule kankama yoko na tuku mwambe wa si mungu kowa o si mayami kolo semi sato ya mbulu mwe. Top Congo FM taraka na mbukusi sangolokota la lingali suki awa krisi bivu za dakiyo zela masini daniza wipi Patrick Mungongo na zela YouTube unandaki misu na wukebi bipai na bipai tutundi bivu utonzi 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Vous voulez parier sur... Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awa nde bokozwa biyano na mitona na bino pe ndimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka e kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Yoka Lokidoyo. Toro Betane le solo ya 19 ans. Ya Top Congo. 88.4. La fréquence utile. Oh, Kotika la kaka na ignorance. Maka mo mazali komo nane. Po bate mele kayo. Aipe na zalaka lokola yo Tzoka na zalaka ne mopayae Lelo mayele mangai mafuami Christian Lusakweno Moka koso kene liboso Tzela ezali na inu mola iye Disneva e mula somi na libwa e koki Top Congo ya solo ozali la fréquence utile Top Congo e radio ya ma génération Yon so bondi melangai Akanga masolo, mokili mobimba kaka top kongo e Disneva e to sepela e, Disneva e to bina e Oyo suka ya masolo, beli kanisi ya mwana mboka Erika Mbago, Dominique Dinanga, Marcel Kitambala Cheri Kambundi na Roger Kalala, boye bisabango Boye bisabango e batika, batika ne batembe Obiso totomboli deja bendele, bendele ya lokumwe Disneva ya Dioko, Théophile Lusakweno, Mama Elisabeth Lusakweno, Paul Lusakweno, Osepela. Bako tika la kaka bongo, Biso tozali se kokende, Dina 2009. Tala bango bafandi pemeni ya moto bazali koyeto lae, Namo panti top kongo ezali kobetae. Sylvie Meya, Miriam Irakina, Cécile Ngombae. Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Congo central la Louange. Pour l'angai Brett et je vous appelle depuis le Brésil. Les hommes étaient vannes. Ma décision, oui, la police est à Olaj Bazui. Ça va, décision, mon gros, il y a bien. Il faut battre en action, puis il faut passer à suivre. Au cours de la pharmacie. Rigo est alité, plafond est alité. Et puis chaleur, mieux sur moi, naïe mon gros pharmacie. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Tozongi, pour la troisième partie et dernière partie, ya parlons-en, parlons histoire Lelo, histoire ya Simon Kimbangweza, histoire Moulaï, to soukite et za Moulaï, parce que eko continue, kasi to komi na étape ya mission ya Simon Kimbangu et bandi, na chercheur invité ya parlons-en, parlons histoire, Thomas Louaka, et ça, élément bisous, ya mike mike ya ko bakisa. Oui, quelques détails, hein. Camarade, moninga nangamo ka outi ko benganga isiko yo, honorable CDA, na PCM bote pe na remercier, a expliqué nga ke, na lobaki ke SCC, Église du Christ au Congo, oui. Bazali 64 communautés, ye azali protestant, il y a SCC à lobby sikoyo ba komi na 95 communautés SCC komi na 95 communautés lelo yami bale kimbangu na pesa ki signification ya kombo wana te kimbangu na kikongo ila kisi révélateur de choses cachées muto azali ko bimisa bo solo e o e bombana et puis eloko ya suka e pa ya barega barega na Kivu kuna nzambe babenga kae Kalaga, Kalaga, merci na maître Wenga. Merci beaucoup, merci Bandeo Balandi. Tokomi tango topesa bino maloba 085 000 44 40. Tokozwa mwa mituna to ba complément soki ezali parce que justement na ebi ba misu ba koza na ba mwa détail mike mike mike ya kopesa 089 44 44 471. Tozwa kape ba SMS na 089 44 44 470. Na kozonga na ngambo et pa wapi Ale Mungu Pascal Azali pour na kozwa na kanisi appel ya liboso hein na zela ya singa ndeko moko apesa ya yema kanisi to apesa atuna mituna na 085 000 44 40. Allô? Allô? Voilà, Nazo rappelé que tu as appelé par SMS na 089 44 44 470 par SMS tindana numéro Oana. Tu as singa. Allô, bonjour papa. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, ben papa Thomas Louaga, papa Maele. Bonjour Ndeko. Oui, papa Fangimambo. Oui. Bon, ma question est là, je dois dire que c'est qui histoire Oana, vous m'avez dit que c'est bien bon. Bon, ce que je dis, c'est que je suis là, papa Naye, Koufara, papa Simon Kimbang, soit à Koufara Kang. Et puis, quand on a un voyage, Donc, voilà, Naïbi, que ma camboisa est belé, peut-être, avant de voir la papa Thomas Loua, qui a fait sa nion, son balamoko, bah, détail, quoi, y'a. Histoire, tu n'es pas au lobby, et si l'été, histoire, les autres continuent. Tous en a, nous, les sous appel. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, maman, ou le bambou, ma cassia? Oh là là, maman Akei, Alingaki Abakissa, justement. Stam Soussoua, Zouatan, Yakozong, et là, tous les sous appellent Alain Mbungu Pascal. Allô? Allô, oui? Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, papa Louaka. Bonjour, Ndeko. Bon, là, il y a un rapport à la déclaration qui m'banguit. Il y a mon papa Simo qui m'bangu, à part le compte avec Jésus-Christ. Mais bon, on va dire que c'est pour la nuit. Pour la place, il y a un autre sur le Sangaï. Merci, papa, mourir dans le commerce. Bon, de quoi ça, la doctrine, hein? Bisous, ça, la histoire. Wana a la doctrine, et ça, débat, moussoussou. Bisous, ça, la histoire, il y a papa Simon Kimbangu. Ma kambwa doctrine, to koti penza yangote. Tous les sous appel. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, Ndeko. Communication et clarté na kanisi ko bonga. Allô? Et dali mona mboka procédé kimbangu itambudi. Merci. Oui. En tout cas, ngai na sepe na histoire, mais na ebisera na papa Thomas Louaka ako bana recherche sur histoire Simon Kimbangu ako zo ye bele koleka pe ako eba Simon Kimbangu soki vraiment azala ki nani. Parce que le biso ba kimbangiste toujours bengue Saint-Esprit. Donc moi mukile ngana lo bangwana ako basi ki so papa Simon Kimbangu e kozala pe mapamboli makasi po na ye na ye bise le sous vraiment toujours aluka et sika moko oyo abaloko pe sa cour bien ba université na biso. En tout cas l'état a tiaya dans la mutu moko boye a pe sa cour e kozala mala o mi po na Mboka Mobimba, et surtout pour Nabayindo Nyos. Merci. Merci, merci Ndeko. Naibite Soki Toko Zonga et pas invité Ndeko Thomas Louaka pour Soki réaction et Zali na Bandeko Balobi. Avant tout temps, un message pour Namoni Ndeko Moura Komi, un message moi Mingi a réagi na Makambo Misu Soupe au lobby. Merci Mingi Ndeko. Et loko ya liboso na koloba, Masolo ou na Beti Awa. Source nazana source essentiellement mibale ya liboso ezali livre o ekomame oui. Na mwana ya misatu ya prophète Simon Kimbangu kombo na ye Joseph Diangenda Kuntima c'est lui l'architecte de l'église kimbanguiste aujourd'hui donc il est le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste premier chef spirituel ye pe muto atongi a commis livre kombo nango l'histoire du kimbanguisme donc ba elema ebele na livre zali o ya mwana ye moko ya papa Simon ya solo ya mi balé livre ya mi balé ezali Suzanne H a commis l'église du prophète Kimbangu de ses origines à son rôle actuel au Zaïre. Donc voilà un peu les deux livres on a ko recommandé o na zuma kamuna betelbino le solo lilo. Sikopo na ko réagir na bande ko na biso yo papa kuyela non nazana dati ya liwa ya papa ya kimbangu te na bibi soka kufa kikam likambo ya nzombo ozana raison oui. Nzombo tata wana aliaki polisi ya botola ya kimbangu baloba kake après biloko nyoso abane kolia abane koyoka ata le pondo koyoka ka gu ya nzombo eloko nyoso ata madesu gu kaka ya nzombo ipare malédiction wana c'est le chef spirituel d'Yangenda mutu aki kolongola yango d'accord ndeko more ye alobi Jésus kimbangu parlait de Jésus-Christ et pour nani lelo yo bandi makate tokota lango na partie ya Matéa tant voilà. Tokoma na Matéa totala quelle était la doctrine ya Simon Kimbangu et quelle est la doctrine aujourd'hui ya église kimbanguiste et puis mutuna misatu continuer les recherches de commerce merci oui. Mingia na pesi bino pe ba source na ngai merci voilà quelques réactions nous avons d'accord. Vivez la meilleure expérience Internet avec la 4G plus d'Orange. Numéro 1 en couverture et qualité réseau. Alors, Totangaba SMS Tozui, Yali Bosso, bonjour, parlons-en, bonjour l'invité. Je réagis à la thèse selon laquelle Simon Kimbangu serait influencé par les idées de Marcus Garvey. J'en doute fort pour deux raisons majeures. Premièrement, Utazamba Yakamba, Simon Kimbangu Azara Kikutu Namakokite Pona. À entendre parler de Marcus. On a eu l'eau à l'Iboso à Komi, Yami Balé à l'Obi, Kokendenaye qui chassa Isaraki po na Akima, les appels répétés du Christ. Donc Simon Kimbangu ne pouvait jamais être influencé par Marcus, fait qu'il ne pouvait être possible qu'à Kinshasa, alors que d'un Kamba, Simon Kimbangu était déjà dans le processus avec sa mission. Jirio Mampasi depuis Mbanzangungu Mutwa Komi. Merci Mingende kona réaction na yo. Na ebisi bino émission to sala kapona ko pesa makanisi nyonso ezali. Na ko pesa kaka ba idea ba kimanguiste te parce que ezali émission ba kimanguiste te ba congolais balingi ba ye ba Simon Kimbangu yenani makambu nyonso eloba maka autour yango na lobi yango. Ya thèse moko ezali ke Simon Kimbangu tango za ko sala na Masavko akota ki na contact na ba idea Marcus Garvey. Donc ezaya solo ezalo kutana ebite me na kalinga ka toka bola information. Oh nde comme sous aux autres ka tuna bon aux autres na bana Simon Kimbangu baza combien et puis baza na age nini na ebite nde ko Jean-Cy Kabe a commis depuis Lemba. C'est pas na tangi bango baza voilà. Bana misatu moi na 1914 ki solo kele moi na 1916 Dialungana moi na 1918 Diangenda. Merci beaucoup. Bonjour, s'il peut résumer l'histoire de Simon Kimbangu, on l'a pris en cours, enfin, il a pris l'histoire en cours, c'est M. Carlos Ngalien Mandeko Bolimbisi, au Kolanda émission, oui. Na YouTube et Zali, et puis rediffusion, et na Boutou. Merci beaucoup pour le message, Nayo. Bonjour, papa Nga Issa, depuis Congo Central, Tunelanga invité, nous autres, il y a papa Simon Kimbangu, Bakunda, Yango précisément, wapi. Enfin, non, tu commis na étape en attente. Non, mais je vais répondre. Simon oui. Kimbangu a koufi na Lubumbashi, na 1951, et puis après, Bakoya Kozong sa kornaye na Kamba. Voilà. Bonjour, papa Roger, félicitations, papa Thomas Luaka, Nyoso, Lobi, Tolandi, Yango. Naboke Binyoso, Tozo, c'est la suite, il y a histoire mardi. Oui, suite, il y a histoire, il y a mardi, bien sûr. C'est papa et Boza, Nakimboa, la Don Bosco. Merci beaucoup. Na message, Nayo. Date, il y a 6 avril, les dates, il y a Liwa, il y a Kimbangu, il y a Ebandeli Amoussala. Ebandeli Amoussala. Ebandeli Amoussala, Tolo Baki Angoa. Premier miracle, Naye, à Bouikisi, Mama Kiantondo, na village Tsanda, le 6 avril. Voilà, oh, pe azongeli kamwa date mais azobandina koleba koloba pardon mais village Ngombe Kintsuka. Voilà, Ngombe Kintsuka. Merci monsieur Luaka, j'aime pleinement votre sagesse et votre intelligence. Parlez-nous un peu selon vous la date bon à outi loba date hein, à 6 avril est politique ou religieuse te wana aux autres nandé à vie. Nous on est dans l'histoire hein. Voilà, merci Ndeko. Bon, Ndeko Azongeli Lissousou, Bakimbangu, Bazala, qui combien Basimo Kimbangu, Bazala, qui combien Bana Yasimo Kimbangu. Misatu. Voilà, Misatu. Ok. Bonjour, Top Congo, Ezangai Miti, depuis quelque part, Nasepeli Makasina invité pour la histoire, Naye, Pei na Top Congo pour la émission. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Ndeko, na message Nayo. Nabakisa Lissousou, message Tozui. Bonjour, Top Congo, Toebi, bien Simon Kimbangu, Aza, prophète, mais pour na. pona nini babenga kaye Saint-Esprit wana tozana nona niveau anate bonjour parlons-en est-ce que Kimbangu ezalaki azalaki na ba frère les gens reviennent beaucoup sur ses frères suite il y a vie il y a Kuyela suite il y a vie il y a Kuyela c'est ce que ndeko maman Viviane Lukelo a commis suite il y a vie bon je sais pas j'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Non, en fait, alinga tuna soki kuyela papa ya Simon Kimbangu abotaki bana misusu. Tout ça peut-être un détail, mais on soupçonne que azaka na sœur moko boye na uti kotanga kombo na ya tout à l'heure. Oyo na kofana na village moko Simon Kimbangu abenda kotala ya. Voilà. Bonjour, parlons-en et merci pour na histoire ya papa Simon Kimbangu naza Ngunza Isaac Kaninda. Merci pour na message. Natanga lisusu oyo mbote top Congo fumu Kimbangu asalaki miracle na kombo ya Jésus te kasi ezalaki na kombo ya tata Mpungu Tulendo pe molimo oyo ebandaki kolobakati na ye kombo na ye ne Manataludi bon je ne sais pas Manataludi ndenge ya komi kombo na ye Non, ezaba secte mususu ebimana sima ya kimbanguisme voilà. Oyo ba contestaka Jésus-Christ. Mais enseignement ya Simon Kimbangu tokomona yango porté sur Jésus de Nazareth. Andeko tokomona enseignement ya Simon Kimbangu na tokomi wana te. Toza encore na histoire hein na ebandeli, histoire ezanano. Bonjour papa na ba nazana Kasavubu kombo nanga PGM akomi PGM justement. Mutuna nanga ezaboye nayoki ba kimbangiste mususu bazolo bake papa Simon Kimbangu aza mutu ya liboso ya koya na mouvement prophétique na Afrique eza ya solo et mutuna naye est-ce que vous êtes intéressé en ba mouvement misusu non nazana mutu ya voilà. Réponse te na question il faut na se renseigner voilà ezan de ko pegme ndenge ya komi na Kasavubu na ebite so eza abréviation ya kombo naye. Bonjour Top Congo et à l'honorable, pourquoi les loba divergence? Bon, pourquoi les loba divergence? Tozana no anate bandeko bolimbisi, ba divergence ya bandeko. Histoire eza nano. Division église voilà. Kimbangu, c'est comment na ngota ngoto comment to évoluer. Voilà. Tokende na lombango te to brûler ba étape te. Bonjour papa Roger et papa Thomas, merci pour na émission mais nazana problème moko particulier na informatique na institut problème particulier ba de kobolimbisi problème particulier biso tozolo banano histoire ya Simon Kimbangu aboye togota message na yo sima bonjour Top Congo ezanga Jean-Paul Simon Kimbangu abotaki ka bana misatu sikoyo bana misatu ti lelo bazana vie non bana misatu ya Simon Kimbangu bakufa bakoko ya Simon Kimbangu lelo bazali bana misatu na baboti bana 26 voilà bozana précision bande omingi bazozonga le kambo ya famille hein ya Simon Kimbangu parce que j'ai l'impression que l'histoire ya Simon Kimbangu c'est toujours en lien avec la famille voilà bonjour Top Congo tuna papa Thomas Simon Kimbangu za mukongo to mutu ya province ya Kwangu parce que nga na komba na territoire ya Popo Kabaka balakisanga place papa Simon abotama apesa nanu explication bien na origine na ye bon selon de koyo c'est non signé hein Simon Kimbangu abotami na kamba voilà territoire ya Mbanzangungu le 12 septembre 1887 est-ce que bao ba betela kinde ko li solo ezaki ba blague to ezaki bon non bon ba théorie bima mingi na sima Simon Kimbangu voilà ba théorie bimi ebele voilà Toto Kendenasuka, on va essayer de courir pour lire peut-être les deux derniers messages. Bonjour Top Congo, j'aurais appris que Simon Kimbangu n'a jamais eu les enfants et que les trois enfants auxquels vous faites allusion sont les enfants de son oncle. Bon. Non, c'est une thèse na sina yoka makambwana. Simon Kimbangu balubaka, mama mwilu azalaki mwasi ya noko na ye, tangu noko akufi Simon Kimbangu a récupéré mwasi ya noko na ye, selon la coutume, mais Simon Kimbangu na mari mwilu baboti bana misatu ona otiko tangawa na pesi na badate na bango. Voilà, bonjour papa Roger, est-ce que les Kimbanguistes sont partout en Afrique? Bon, enfin, je sais pas, ils sont un peu partout, c'est Joseph Moulouba na Ngaliema. Ils sont un peu partout, hein. Tant bah organiser bah manifestation, au moins bisika ebele bazo uta un peu partout, un peu partout dans le monde d'ailleurs. C'est une grande église. C'est une grande église, voilà. Tokomi Nasuka, Papa Thomas Luaka, donc prochainement, et la suite, il y a mission. Suite, mission à Simon Kimbangu, procès naïe, condamnation naïe, et puis Tokomo na un peu n'engenini, babande kotungi saba Kimbangu, c'est ba disciple naïe au Batikalaki. Comment maman Mouilou a continué qui na église on a la clandestinité, comment ba relégué bato na intérieur ba kimbanguiste yango kimbanguiste mais qui na intérieur na bato ba ne ko relégué bango et puis Simon Kimbangu tango akufi, comment na 1959 officiellement ba ko autorisé église de Salama, église de Botami na kombo ya Église de Jésus-Christ sur la terre par les prophètes Simon Kimbangu, chef spirituel Nangoya Liboso Diangenda, comment est-ce évolué tiso qui tozali natan tokoya komona ba divergence doctrinale au ezali lelo. Tokolo ba influence qui a culture na bango matriarcale et influencé moi mi bazolo bela mingi maman Mwilu que papa. Non, non maman Mwilu parce que Simon Kimbangu tokomona ngo Matea na ye, aumela ki nangu benda mingite, eh, tokumono na misio kolanda. Tango bakangi ye, Simon Kimbangu a bandi, tomone angole 6 avril, nde a bandi, oui. Eh, misio na ye, na 1921, mm-hmm. na 1921, na mois d'octobre, le 3 octobre, si je m'abuse, azali condamné à mort. Azali condamné à mort, et puis après, bakoyo koma prison à vie, na 1921, akena katanga, donc, Moutoua, quoi qu'on continue l'idéologie, c'est son épouse Marie Mouilou. Donc, tant qu'il y a mission quand même, hein, mais Sambonaye est tambour. Voilà, merci beaucoup, chercheur Thomas Luaka, merci, Tokutaï Nayo. Mardi prochain, pour la suite, il y a histoire. Merci, Nabino Bandeko Balandi. Merci, na équipe technique. On se retrouve demain pour la suite de Parlons-en. Au revoir. Vivez la meilleure expérience Internet avec la 4G+ d'Orange. Numéro 1 en couverture et qualité réseau.